Vous devez parler français. Oui, il faut que nous parlions français. Vous devez écouter des cassettes. Oui, il faut que nous écoutions des cassettes. Vous devez noter du vocabulaire. Oui, il faut que nous notions du vocabulaire. Vous devez répéter des phrases. Oui, il faut que nous répétions des phrases. Vous devez regarder des films français. Oui, il faut que nous regardions des films français.